sur une certaine Francine, écrit par un trio venu d'Austin, qui répétait sans cesse tout le temps: on ne joue pas que la musique de blanc, bien au contraire, il ne savait que faire ce que d'autres avant eux appelaient prière. Elle écoutait la même chose que nous, du rock, du blues, du bon velu, une musique sortie du droit de la boue, interprétée par les trois barbus. Elle écoutait la même chose que nous, du rock, du blues, que du velu, une musique sortie du droit de la boue. On écoutait la même chose que vous, du rock.